décalé, ouais. C'est moi. Attention. Qui c'est qui tape sur sa tête? Thank you. Ouais, c'est un morceau de rock. Qu'on n'est pas tous en guitare électrique. Non, mais moi j'ai cassé ma moto. Grindmaster. Ils vont faire quoi pendant le riff là? We'll be right back. Promotion rayon fruits et légumes. Regarde ta montre, il est déjà 8h. Embrassons-nous tendrement. Sérieux, on arrête de déconner. Pas moi. Accorde-toi, mon petit Benji. Elles ont chaud, elles ont froid, c'est ça? Je suis seul, que je peux rêver. parce que je fais n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce qui m'a changé une nouvelle batterie, lui? Écoutez-moi bien. Oh putain, je cale, hein. J'essaye de caler cette merde. Thank you. fait partie de ces compositeurs. Bravo, Cyber. Moi aussi, je vais y aller parce qu'aujourd'hui, j'ai une belle merde. Bravo, Cyber, super joli ce que tu fais. Salut à tous, je suis crevé. Je suis naze, j'ai cassé ma moto.